on va parler avec Hugo Maltin des Hurricanes de Mastriache. Les chapeaux il y a deux chapeaux, Hugo Maltin. D'abord, le président du hockey mineur, puis aussi l'instructeur-chef des Hurricanes de Mastriache. Mais on va parler de la série entre Mastriache et Jonquière. Salut Hugo. Salut. Hugo, évidemment, faut revenir là-dessus. Évidemment, tu chapeaux deux chapeaux, comme je te disais. Parle-moi du match d'hier. C'était un match très serré. Défaite quand même assez serré. Hein? Oui, ça s'est terminé 4-3 pour les Marquis. Honnêtement, c'est un match là, qui aurait pu aller là, d'un côté comme de l'autre. Là. On peut pas être déçu vraiment de la performance de nos jeunes. Là. Ça a été vraiment là, quelque chose de bien. Quelques petites erreurs là, ici et là, qui ont fait en sorte que ça nous a coûté le match, mais écoute, comme on n'avait pas perdu depuis le début qu'on était là aussi. Ça fait qu'à un moment donné, on s'attendait à ce que notre série de invaincus ben prenne fin également dans ce cas-là. Ça fait que c'est arrivé hier. On n'est pas alarmé de ça, on n'est pas déçu, on n'est pas là de dire, regarde, Jonquière nous a complètement dominé, puis il faut vraiment modifier les choses, il faut vraiment, là, oui, il y a des petits ajustements, mais 4-3 Jonquière pour la première partie, c'est la semaine en plus. On est vraiment content de notre performance, puis on va se reprendre là, samedi après-midi à Mastriache là, pour essayer de niveler là, la série. Comment t'as vu, évidemment c'est un 3-5, donc là c'est un must, faut gagner, là. T'as pas le choix, là, devant tes partisans en plus. Là. Ben, c'est sûr qu'on peut pas, là, on peut pas nier que ça nous prend quand même demain là, la victoire. On peut pas se permettre d'aller à Jonquière puis d'arriver puis de dire, ben regarde, dimanche on est 0-2. Donc oui, on a un petit peu de pression à ce niveau-là de pouvoir performer puis d'égaliser la série. Donc on est conscient de ça. Fait qu'on va partir de ce principe-là, puis on va essayer là, de faire en sorte que demain, samedi, on soit capable là, de niveler la série là, à un, puis espérer, là, parce qu'on n'a pas le choix de toute manière, il faut gagner un match. On a raté une chance hier, c'est correct, mais à partir de là, il va falloir à un moment donné en voler un à Jonquière, c'est que... On va essayer là dimanche là de voler ce match-là puis d'essayer de prendre les séries, les devants dans notre série là, 2-1 avec la fin de semaine de famille. Là, on va parler au président du hockey mineur. En fin de semaine, il y a du hockey mineur important puisque la ronde des champions va être ici à Dolbeau-Missisni en passant. Là. Donc oui. C'est important en fin de semaine. C'est un must aussi de côté hockey mineur. Ben c'est sûr que toutes les gens là qui vont toutes les équipes qui veulent poursuivre le saison, ben pour la plupart des cas, à part le midget, où est-ce que ça s'est joué la semaine passée. Toutes les autres équipes, ben la saison va se terminer, les séries se terminent en fin de semaine. C'est certain que s'il y a quelqu'un là qui veut gagner puis qui veut avoir l'opportunité après la fin de semaine de Pâques, de pouvoir jouer la ronde des champions, ben pour toutes les équipes, autant pour l'hockey mineur de Roberval qu'au Lac-Saint-Jean, ben ça se passe en fin de semaine. Fait que ça passe ou ça casse pour toutes les équipes. Sinon, ben ça sera une autre année qui va déjà être terminée. Donc on va serrer les chandails puis on va faire notre bilan parce que on va déjà être rendu là. C'est quelque chose de bien. On va avoir fait quelque chose là, déjà de très satisfaisant. Donc on va espérer qu'on ait des équipes là, qui soient là, de la ronde des champions là, pour la fin de semaine du 7-8 avril. OK. Autre chose à ajouter, peut-être Hugo aussi en passant? C'est là aussi là, dans le double lettre, là, moi, en fin de semaine, je commence déjà avec la la ronde des séries, ben pour la Coupe Dodge. Donc c'est moi là qui reçois la première fin de semaine de toutes la catégorie Atome 2B. Donc j'ai 17 parties en fin de semaine là à Robertval au Centre sportif Benoît-Lévesque pour la première fin de semaine là de l'Atome 2B à Robertval. Donc si là, les gens veulent venir, ben c'est sûr que ça va être un bon spectacle. OK, ben Hugo, on s'en parle quoi la semaine prochaine pour le butin de sport local pour les Hurricanes. On va suivre également cette série-là, Hurricane Marquis, donc on se rappelle. Aucun problème. Le président du hockey mineur de Robertval, Hugo Martin.